Le chasseur reposa son fusil, puis, profitant du sommeil du loup, saisit une grosse paire de ciseaux et lui découpa le ventre. Il aperçut alors le petit chaperon rouge qui sortit et s'exclama « Oh, que j'ai eu peur! Comme il faisait noir dans le ventre du loup !» Puis la grand-mère réussit à émerger à son tour. Elle était encore vivante, mais pouvait à peine respirer. Alors, le petit chaperon rouge alla chercher de grosses pierres dont elle remplit le ventre du loup avec l'aide du chasseur. La grand-mère fouilla dans son armoire où elle trouva une aiguille et du fil. Elle se mit à recoudre soigneusement le gros ventre du loup gonflé de pierres. Une fois ce travail de couture achevé, Mère Grand, le chasseur et le petit chaperon rouge se cachèrent derrière un arbre non loin de la maison. Bientôt le loup se réveilla et ressentit une lourdeur d'estomac. Il quitta le lit pour aller boire un peu d'eau dans la mare qui se trouvait devant la maison. Il se pencha au-dessus de l'eau, mais il fut entraîné par le poids des pierres. Il coula à pic au fond de la mare et s'y noya.